voit votre silence, vos yeux pleins d'ennui. Nul espoir m'est permis. Pourtant je veux jouer ma chance, même si je devais y brûler ma vie. Celle-là, j'aimerais bien la trouver, mais je ne l'ai pas en piano. Ça. On va la foutre sur le bureau. C'est une chanson que j'aime bien. Alors, mais je sais pas si j'ai la version de piano. Oh non, c'est toujours pareil. Putain. Bon, on va essayer. On va essayer. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça.